إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 15 dans l'explication de شرح مسائل الجاهلية. شرح مسائل الجاهلية avec le شرح du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Donc le point qu'on va commencer à expliquer aujourd'hui, c'est le point numéro 31. عداوتهم للدين الحق ومحبتهم للدين الباطل. C'est-à-dire, les gens de la jahiliya, ils ont une opposition, une animosité envers la religion de la vérité. Et ils aiment la religion de la fausseté et du mensonge. Juste avant de commencer à expliquer ce point-là, je voulais juste partager avec vous une réflexion que j'ai eue justement en réfléchissant à quelques événements qui se sont produits et ici et ailleurs aussi, dans d'autres pays musulmans et dans des pays non musulmans aussi. Et c'est le fait que, qu'est-ce qu'on a remarqué du fait que les gens de la bid'a, ils ont une haine et une animosité envers les gens qui suivent la sunna et envers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et envers le manhaj des salaf al-salih. Et cette animosité-là qu'ils ont contre la sunna et contre le manhaj des salaf, elle est tellement grave, elle est tellement grande, que si on voit que ces gens-là dans un endroit, dans une ville quelconque, ils ont la majorité, et ils ont le contrôle de la majorité des mosquées, et ils sont en train de contrôler les centres islamiques, et les écoles musulmanes, et tout ce qui a rapport avec la communauté, ils contrôlent tout ce qui se passe, peu importe que ce soit dans les mosquées, les centres et autres, que ce soit dans les questions qui ont rapport avec la da'wa ou autre, ils ont le contrôle de tout ce qui est comme mosquée et centre. Et s'ils savent que dans la ville, il y a une mosquée quelque part où il y a quelqu'un qui enseigne aux gens le manhaj des salaf, qui clarifie pour les gens les questions qui ont rapport avec le tawhid et l'aqida et le manhaj, qui réfute les shubuhat et les égarements des gens de dalal et des gens de bid'a, ils vont tout faire pour essayer de donner des problèmes à cette mosquée-là ou à ces gens-là. Et subhanallah. Et donc, on se pose la question, des fois on réfléchit à ça, on regarde, on dit, subhanallah, ils ont toutes les mosquées sont pour eux, tous les centres sont pour eux, ils ont le contrôle de tout ce qui se passe dans la communauté, alors pourquoi ils ne nous laissent pas en paix? Et pourquoi ils ne nous laissent pas juste enseigner et faire notre da'wa ouvertement et clairement? Et pourquoi ça les dérange qu'on ait une mosquée où on est en train de dire la vérité et enseigner aux gens la sunna? À la base, quelqu'un choisit, il va où il veut, hein. Et donc c'est pour ça, on dit aux gens, si vous ne voulez pas entendre la sunna, si vous ne voulez pas entendre la vérité, et que ça vous dérange de l'entendre, eh bien vous avez le choix d'aller dans d'autres mosquées où les gens parlent de bid'a, où les gens ne sont pas sur le manhaj de la vérité, et là-bas vous allez entendre tout ce que vous désirez comme mensonge, tout ce que vous désirez comme passion et comme désir, qu'est-ce qui est en accord avec vos passions et vos désirs. Donc, pourquoi le fait que vous entendez, il y a une mosquée qui est sur la sunna et qui enseigne aux gens la sunna, à cause de ça, vous voulez tout faire pour les arrêter et pour les stopper et pour leur donner des problèmes. Et il y en a même parmi eux qui vont chez les koufars pour parler contre les gens de la sunna aux koufars pour que les koufars se retournent contre nous par la suite pour nous donner des ennuis. Donc ça, ils l'ont fait dans le passé, ils l'ont fait ici, ils l'ont fait ailleurs. Hein, pourquoi? Ça veut dire, ça nous indique quoi? Ça nous indique que, peu importe le petit nombre qu'on peut être, peu importe la faiblesse de nos capacités et de nos moyens, du moment qu'il y a une voix qui vient dire le contraire de ce que eux veulent entendre, ils vont tout faire pour l'éteindre et pour l'arrêter. Par tous les moyens. Halal ou non. Hein? Et bien entendu, c'est leur voix. Parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité et ils ne veulent pas que les gens non plus entendent la vérité. Bon, alhamdoulillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le support et l'aide justement dans notre da'wah et de la faire avancer, même si ces gens-là ça les déplaît, même si ça déplaît aux kuffars, même si ça déplaît aux munafiqin, même si ça déplaît aux mubtadi'ah et aux gens de passion, ashabul ahwa et les autres. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit: وهي من أعجب الآيات أيضا معاودتهم معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, ce point, c'est un des points les plus étonnants, qu'ils détestent la religion de vérité et qu'ils aiment la religion du mensonge et de la fausseté. Hein? Donc, ils ont une haine contre la religion à laquelle ils prétendent appartenir et à laquelle ils s'attribuent eux-mêmes. Et cette haine-là, c'est une haine extrême. Tandis qu'ils aiment la religion des koufars, ceux qu'ils sont supposés de détester, parce qu'ils ont opposé la religion de leurs prophètes, hein, ils sont supposés de détester ces fausses religions-là, mais au lieu de ça, ils les aiment, et ils aiment leurs fausses religions, hein, comme ils ont fait avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu aux Juifs, avec la religion de Moussa alayhi salam, c'est-à-dire la religion du Tawhid et la religion de tous les prophètes, ils ont préféré suivre les livres de sorcellerie et de magie, alors que ça fait partie de la religion des gens de Pharaon. Donc tout ce qui est opposé à la religion de Moussa, ils l'ont suivi et ils l'ont aimé. La religion de Moussa alayhi salam, qui est la religion de tous les prophètes, ils sont opposés à cette religion-là et ils font tout pour la combattre et pour faire du tort à ceux qui la suivent. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ce passage-là. Et juste pour vous donner des exemples, vous allez en voir des exemples, de toute façon le cheikh il en mentionne dans ce point et dans le point qui va suivre aussi. Donc écoutez bien, vous allez voir, c'est très important. Le cheikh dit: من مسائل أهل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاداتهم لدينهم الذي أمروا باتباعه واتباعهم لدين عدوهم، إذ معلوم أن اليهود كانوا على دين موسى عليه السلام، وأن عدوهم هو فرعون وآل فرعون الذين كانوا يصومونهم سوء العذاب، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ويعني يستعملونهم في أخص الحرف، إلى أن بعث الله نبيه وكليمه موسى عليه السلام، فخلصهم الله على يده من عدوهم وأعزهم به وأكرمهم وخذل عدوهم وأغرقه وهم ينظرون إليه وأقر أعينهم بذلك وكان في التوراة التي بين أيديهم وهي كتاب الله الذي جاء به موسى عليه السلام كان فيها أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه. Donc le cheikh il dit, parmi les questions des gens de la jahiliya, des points dans lesquels ils ont contre, des points dans lesquels le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a opposé et a contredit leur religion de jahiliya, il y a le fait que ces gens-là, ils s'opposent et ils détestent la religion qu'ils ont été ordonnés de suivre. Et ils suivent la religion de leurs ennemis. ils suivent la religion de leurs ennemis. Et le cheikh il dit, c'est bien connu que les juifs, ils étaient sur la religion de Moussa alayhi salam, et que leur ennemi c'était Pharaon et les gens qui étaient avec lui. Hein? Et ils faisaient tout pour châtier et torturer les gens de Bani Israël. Ils faisaient tout pour leur faire du mal. Qu'est-ce qu'ils faisaient par exemple? C'est qu'ils tuaient tous leurs fils. Quand une femme avait un garçon, ils le tuaient. Et quand c'était un bébé-fille, ils la laissaient vivre. Et qu'est-ce qui arrive quand il n'y a que des filles dans un peuple? Eh bien, c'est normal qu'ils ne peuvent plus se défendre. Il n'y a plus de force, parce que la force, c'est chez les hommes. Et les femmes, chez les femmes, la force, elle est absente ou moins présente. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils laissaient vivre les filles et ils tuaient les hommes. Et ils utilisaient les fils d'Israël pour les métiers les plus humiliants et les plus rabaissants. Ils les faisaient faire par les fils d'Israël. Donc ça, c'est le comportement de Bani Israël envers, c'est le comportement de Pharaon et des gens de qui étaient avec Pharaon envers les fils d'Israël, envers Bani Israël. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète, Moussa alayhi salam, celui à qui il s'est adressé directement, Kalimullah, et Allah subhanahu wa ta'ala les a libérés et délivrés de toute cette injustice et de tous ces problèmes par la main de Moussa alayhi salam. Il les a libérés de leur ennemi et il les a anoblis et il leur a donné de la force, hein, et il a fait que les gens de Pharaon soient humiliés et rabaissés, hein, et il les a fait noyer dans la mer alors qu'ils traversaient. Et eux, ils étaient là, les fils d'Israël, en train de regarder Pharaon et son armée qui les suivait, qui était derrière eux, sur leur trace, en train de traverser la mer alors que la mer était fendue en deux. Et il les a vus se faire noyer lorsque la mer s'est refermée sur eux et ils sont tous morts, noyés. Et eux, les fils d'Israël, étaient là en train de regarder ça avec leurs propres yeux. Hein? Donc, le cheikh il dit, وَأَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ بِذَٰلِكَ وَكَانَ فِي التَّوْرَاءَ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَهِيَ كِتَابُ اللَّهِ. Ils ont vu ça avec leurs propres yeux. Et dans leur livre qu'ils avaient dans leurs mains, hein, qu'ils ont reçu par la suite, il y avait la mention, hein, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le livre que Allah a révélé à Moussa alayhi wa sallam, il y avait les descriptions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'ordre de le suivre dans la Torah. Et encore aujourd'hui, il y a des versets dans les livres des juifs, dans les livres des chrétiens qui font allusion au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ordonnent aux juifs et aux chrétiens de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, aujourd'hui, là, bien entendu, la Torah, elle n'existe plus dans son état originel, dans sa version authentique. Toutefois, il y a encore des passages de la Torah ou des parties du livre disons qu'ils possèdent ces livres-là avec eux, même s'il y a des falsifications dedans. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Même s'il y a des falsifications dedans, mais malgré tout, il y a encore des passages qui sont encore bons et qui mentionnent des exemples du prophète que Allah subhanahu wa ta'ala leur annonçait et des descriptions qu'il allait avoir et il leur a expliqué, hein, comment il doit être et comment ils doivent le suivre. Et parmi les versets qui mentionnent ça justement, il y a le verset 18, il y a le verset 18, chapitre 18, verset 18, dans Deutéronome, si je ne me trompe pas, je me souviens qu'il y avait une description, hein, qui était donnée d'un prophète qui allait venir et qui rentre exactement dans la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le Coran, il dit, dans le verset 157, dans surat al-A'raf, وَهُوَ النَّبِيُّ hein, il dit, le cheikh, il dit, وَهُوَ, et là il cite le verset, النَّبِيُّ الْأُمِّي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ بسبب كفرهم وعنادهم فلو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لوضع الله عنهم هذه الآثار وهذه الأغلال لكنهم أخذهم الحسد وقالوا كيف يكون هذا النبي الموعود في آخر الزمان من العرب ومن بني إسماعيل اللائق أن يكون هذا من بني إسرائيل ولا يكون من بني إسماعيل هكذا قالوا فحسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حملهم على هذا هو الحسد والكبر والعياذ بالله الشيخ الزي كالله سبحانه وتعالى إلى mentionné donc dans le Coran الله il dit dans le verset 157 dans surat al-A'raf ce prophète il l'écrit c'est-à-dire qu'ils ne savent ni lire ni écrire, qu'ils retrouvent inscrits dans leurs livres qu'ils ont avec eux, dans la Torah et dans l'Injil, qui leur commande ou qui leur ordonne le ma'ruf, le bien, et qui leur interdit le munkar, le mal, et qui leur permet les bonnes choses et qui leur interdit les mauvaises, et qui leur enlève les carcans, et qui leur enlève les chaînes et les carcans qui ont été mis sur eux. Le cheikh il dit pourquoi ils ont sur eux ces carcans et pourquoi ils ont sur eux ces carcans et ces chaînes, c'est parce qu'ils ont été trop durs dans la religion. Et étant donné qu'ils ont été trop durs dans la religion, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a été dur avec eux pour les punir pour leur dureté. Et il leur a interdit des choses qui leur était permis à la base. Il leur a interdit des bonnes choses qui leur étaient à la base licites, hein, pour les punir de leur dureté. Et également à cause de leur mécréance et à cause de leur opposition et de leur opposition orgueilleuse à la vérité. S'ils avaient cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala leur aurait enlevé ces carcans et ces chaînes et ces difficultés qu'ils avaient dans leur religion comme punition pour eux. Mais ils ont préféré la jalousie et ils ont dit comment est-ce possible que le prophète qui était promis à la fin des temps soit un prophète parmi les Arabes, parmi les fils d'Ismaël, alors qu'il devrait être parmi les fils d'Israël, alors comment il vient des fils d'Ismaël? Ça c'est ce qu'ils ont dit les Juifs. Ils sont jaloux, hein, ils ont été jaloux. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ils ont dit, nous on veut que le prophète, que Allah nous a promis soit, qu'il vienne des fils d'Israël. Comment ça se fait qu'il vienne des fils d'Ismaël? Ils ont refusé de croire en lui parce qu'il n'était pas de leur même famille, de leur même origine que eux. Et donc, ils ont rejeté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par jalousie, et ils ont rejeté sa umma, et ils ont mécru en lui. Alors qu'ils savent très bien qu'en réalité c'est lui le messager d'Allah, hein, celui que Allah avait promis. Mais à cause de leur jalousie, de leur orgueil, ils ont refusé de l'accepter. Wal'iyadu billah. Naam. Al-ma'ruf c'est le bien, qu'est-ce qui est connu comme étant bien. Al-munkar c'est qu'est-ce qui est désapprouvé par les gens, qu'est-ce que les gens n'aiment pas. Hein, qu'est-ce qui est mauvais, oui, le mal. Et naam. Donc le cheikh il dit ensuite, ولما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين بموسى عليه السلام وبكتابه الذي هو التوراة فكفروا بالتوراة الذي عندهم من أجل الحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم واستبدلوا التوراة بكتب السحر بكتب السحر التي هي دين عدوهم فرعون لأن السحر كان فاشيا في قوم فرعون فتركوا الوحي المنزل وأخذوا بالسحر الذي كان عليه عدوهم وهذا من العجائب يقول الله جل وعلا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا الرسول وصفاته وما جاء به كأنهم لا يعلمون عملوا عمل الجهال الذين لا يعرفونه تكبرا وعنادا لم يقل لأنهم لا يعلمون بل قال كأنهم لا يعلمون لأن العالم إذا لم يعمل بعلمه كأنه لا يعلم لأن ثمرة العلم العمل فإذا لم يعمل صار هو والجاهل سواء صار هو والجاهل سواء بل الجاهل يكون أخف منه إثما واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وهو السحر Donc le cheikh explique ensuite, il dit, lorsqu'ils ont mécru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc automatiquement, ils ont mécru également en Moussa alayhi salam. Puisqu'ils ont refusé de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc ils sont devenus mécréants en Moussa, parce que si tu rejettes la foi en un seul messager, c'est comme si tu as rejeté la foi en tous les messagers en entier. Puisqu'ils sont tous venus du même Dieu, et tous venus avec le même message. Et la même base. Donc, si tu rejettes un, tu rejettes tous les autres. Et ils ont rejeté en même temps la Torah. Parce que si tu refuses de croire en le Coran et en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si tu as mécru en la Torah également. Et donc, ils ont refusé de croire en la Torah également et de croire en ce qu'ils avaient avec eux. Tout ça à cause de la jalousie qu'ils avaient pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont échangé la Torah qu'ils possédaient pour des livres de sorcellerie qui font partie de la religion de leur ennemi, c'est-à-dire Pharaon. Car la sorcellerie, c'est quelque chose qui était très répandu dans la famille ou plutôt dans le peuple de Pharaon. Donc ils ont abandonné la révélation qu'ils ont reçue et ils ont pris à la place la sorcellerie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on connaît les juifs comme étant des gens qui sont très forts dans la sorcellerie et dans l'utilisation de la sorcellerie. Ça c'est quelque chose, c'est une chose qui fait partie maintenant des choses connues à propos des juifs et ils ont une réputation pour ça. Non, la magie, la sorcellerie, ils n'étaient pas chrétiens, ni juifs. Les gens qui ont cru à Moussa alayhi salam, à leur époque, à l'époque de ce prophète-là, et les gens qui ont cru en Issa parmi les gens qui ont été à son époque et qui n'ont pas déformé ses enseignements et qui n'ont rien changé de sa croyance, ceux-là sont des croyants, ils sont des musulmans. Hein? Et ceux qui sont restés sur leur message jusqu'à la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là, après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui parmi eux, parmi les juifs et les chrétiens qui a entendu parler de l'islam, mais qui a refusé de l'accepter et d'y croire, de croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de croire en le Coran, alors là, à partir de ce moment-là, il devient un kafir, il devient un mécréant, peu importe. C'est comme à l'époque de Isa alayhi salam. Bon, le prophète Isa alayhi salam est venu voir Bani Israël, les fils d'Israël, et il leur a dit, croyez en moi, je suis un messager d'Allah. Ceux qui ont cru en lui sont restés des croyants. Ceux qui ont refusé de croire en lui sont devenus des kuffars. Ceux qui ont refusé de croire en Isa et en son message sont devenus des kuffars. Maintenant, ceux qui ont cru en Moussa, qui ont cru en Isa, c'est eux qui sont restés les musulmans. Jusqu'à la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, maintenant, ceux qui ont parmi eux qui ont entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru en lui, ceux-là sont restés croyants, sont restés des mu'minoun. Ceux qui ont refusé de croire en lui sont devenus des kuffars. L'accomplissement du message de tous les messagers qui est terminé, le message est complet maintenant. La série de messagers est arrivée à sa fin, est arrivée à son terme, elle est complétée, la religion, elle est terminée. Avant, la religion n'était pas terminée encore. Il y avait toujours des prophètes, des messagers qui devaient venir compléter quelque chose ou rajouter quelque chose. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, il est venu terminer ça. Donc ça y est, maintenant la religion elle est complète. On n'a plus besoin d'autres prophètes. Et il n'y a pas quelqu'un qui va ramener d'autres choses au livre. Le livre il est terminé, il est complété. Tandis qu'auparavant les juifs ne pouvaient pas dire le livre il est fini, il est complété. Parce qu'il n'était pas encore terminé, il n'était pas encore complété. Maintenant il est complété. Hein? Donc Allahu a'lam yani. Après le cheikh il dit, donc ils ont suivi la religion de leur ennemi, c'est-à-dire Pharaon. Et il dit ça c'est quelque chose d'étonnant ça. Pourquoi? Parce que c'est en cette religion-là que Allah leur avait ordonné de ne pas croire. Et eux, ils font le contraire. Ils croient en ce qui est mauvais et ils rejettent ce qui est vrai. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 101, dans Surat al-Baqarah, et lorsque leur vient un prophète, un messager, lorsque leur vient un messager de la part d'Allah, qui confirme ce qui est avec eux, une partie d'entre eux, parmi ceux qui ont reçu le livre, le livre d'Allah, ils le rejettent derrière leur dos, comme s'ils ne savaient pas. Et le cheikh il dit, regardez comment Allah il mentionne dans le verset, comme s'ils ne savaient pas. Le cheikh il dit ça c'est, yani, ce messager, le messager qui est venu, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu vers eux, lorsqu'il est venu, ils ont agi comme des ignorants, comme s'ils ne savaient pas. Et ils n'ont pas dit, ils ont agi comme s'ils ne savaient pas par orgueil et par obstination, par rejet. C'est pas parce qu'ils ne savaient pas. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah n'a pas dit parce qu'ils ne savent pas. Il a dit comme s'ils ne savaient pas. Parce que la personne qui sait, mais qui n'agit pas selon sa connaissance, c'est comme s'il n'avait pas de science. Donc, le fruit de la connaissance, ça doit être l'application et l'action. Donc celui qui n'agit pas selon sa science, lui et l'ignorant sont égaux. Et il dit que même que l'ignorant peut être moins grave, le péché de l'ignorant peut être moins grave que le péché de celui qui a la connaissance et qui n'applique pas parce que il est excusé par son ignorance, tandis que celui qui n'est pas ignorant, eh bien, il n'a pas d'excuse. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils ont suivi ce que les diables ont mentionné ou ont raconté à propos du règne de Suleyman. Hein? Et c'est-à-dire les mensonges que les diables ont inventés en disant que le prophète Suleyman, alayhi salam, avait le contrôle sur tout ce qu'il contrôlait en utilisant la sorcellerie. Et ça, bien entendu, c'est un mensonge. Hein? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui avait donné ce pouvoir, et non pas la sorcellerie. فَأَصْلُ السِّحْرِ أَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيَاطِينِ ثُمَّ تَوَرَثَهُ الْكَفَرَ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ وَرَثَهُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ورثه اليهود بديلا عن التوراة فالسحر قديم ولكن تتوارثه الكفر جيلا بعد جيل. Le cheikh il dit la sorcellerie à la base ça fait partie du travail et des œuvres des diables, des shayatins. Et ce sont les mécréens, les kuffars qui se le sont transmis à travers le temps. Le Pharaon et son peuple en ont hérité, et les Juifs en ont hérité en échange de la Torah. Ils ont utilisé la sorcellerie. Donc la sorcellerie c'est quelque chose de très ancien, mais les kuffars l'ont hérité de génération en génération. وهذه من العقوبات فهذا من العقوبات أن الإنسان إذا ترك الحق يبتلى بالباطل وهذا سنة وهذه سنة لا تتبدل ولا تتغير فبعض المسلمين تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بأقوال الناس وأخذوا علم المنطق وأخذوا علم الكلام وهم من هذا القبيل لما تركوا كتاب الله وسنة رسوله وأخذوا غيرهما لأنهم لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله ولم يأخذوا عقيدتهم من الكتاب والسنة ابتلوا بأخذ العقيدة من علوم الكفر والملاحدة فما أشبه الليلة بالبارحة. Donc le Cheikh il dit donc ça fait partie des punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'être humain il a la vérité puis qu'il l'abandonne, Allah subhanahu wa ta'ala il l'éprouve en le mettant sur le mensonge ou en faisant qu'il suive le mensonge par la suite. Donc il a connu la vérité et il l'a abandonné. Donc il est puni. Il est éprouvé par le faux. Et ça, c'est la règle d'Allah qui ne changera jamais, qui ne va jamais changer. Et certains musulmans, lorsqu'ils ont abandonné le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont pris les paroles des hommes et des gens, comme par exemple, ils ont pris la logique d'Aristote ou des philosophes grecs, ils ont laissé le Coran de côté, ils ont pris la philosophie à la place, hein, et des choses de ce genre. Donc quand ils ont abandonné le livre d'Allah, et qu'ils ont pris autre que le livre d'Allah, et que la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, hein, ils ont été éprouvés par la suite. Ils ont été éprouvés et ils ont dévié. Hein. Donc, pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés du livre d'Allah et de la sunna. Et ils n'ont pas pris leur aqidah du livre et de la sunna. Donc ils ont été éprouvés par le fait de prendre leur aqidah des sciences, des kuffars et des malachidah, des athées, hein, et des rationalistes et des égarés comme ça. Donc le cheikh il dit « Fama ashbahu al-layla bil-bariha » en voulant dire « Comme cette nuit ressemble à la nuit passée » en voulant dire que les temps changent, mais se ressemblent. Hein? On dit toujours que l'histoire se répète à chaque fois. Hein? Il y a des choses comme ça, ça revient tout le temps. Parce que c'est une règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais ça, c'est comme ça qui va t'arriver à chaque fois. Tu ne peux pas t'en échapper. Donc quand tu t'éloignes du livre d'Allah et de la sunna, c'est ça qui arrive. Tu vas t'égarer avec autre chose. Et on a des gens qui ont cette attitude-là aujourd'hui. À l'époque, ils utilisaient la philosophie et la logique d'Aristote et des choses de ce genre pour essayer de comprendre les noms et les attributs d'Allah et pour comprendre des choses qui ont rapport avec l'aqidah et ils laissaient de côté le Coran et la Sunna. Aujourd'hui, on a la même tendance chez certains soi-disant islamistes qui appellent à l'islam. Ils prennent les sciences humaines des kuffars et ils se basent là-dessus pour comprendre la religion et l'islam et la vie, et ils laissent le Coran et la Sunna de côté. Hein? Et ils disent c'est ça les vraies sciences. Les vraies sciences, c'est les sciences des kuffars. Et c'est ça qu'on doit étudier si on veut comprendre le monde. Le Coran et la Sunna, on l'utilise juste comme, disons, comme pour la prière ou quelque chose, un rappel spirituel pour purifier notre cœur, hein, et des choses de ce genre. Pour faire des hasanats et s'inspirer à faire le bien, mais pour comprendre la vie, pour juger dans la politique, dans l'économie, dans les domaines sociaux, la société et toutes ces autres questions, on se réfère aux sciences humaines et aux sciences naturelles, aux sciences des kuffars. Et c'est ça la référence qu'on doit utiliser. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est un grand égarement. Hein, et que ça c'est un rejet en réalité de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et un égarement. Le cheikh dit وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ تَرَكَ الْحَقِّ فَإِنَّهُ يُبْتَلَى بِالْبَاطِلِ وَمَنْ تَرَكَ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يُبْتَلَى بِمَذَاهِبِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ والذي يتحزب مع الجماعات الضالة المخالفة للكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة يبتلى بأن يكون مع الفرق الضالة وهذه سنة الله سبحانه وتعالى فهذا مما يحذر المسلم من أن يترك الحق لأنه إذا ترك الحق ابتلي بالباطل وإذا ترك اتباع الحق اتبع أهل الباطل دائما وأبدا. Donc le cheikh il dit donc que ça c'est comme ça, si tu abandonnes la vérité, tu vas être puni par le faux. Si tu abandonnes la voie d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, tu vas être puni par les voies des gens des sectes d'égarement. Et également, celui qui se forme des groupes et qui se met avec les différentes sectes et les différents groupes égarés aujourd'hui, qui contredisent le Coran et la Sunna et le manhaj d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, il va être éprouvé également par ces groupes et ces sectes d'égarement aussi. Et donc ça c'est la sunna d'Allah, c'est la règle d'Allah. Hein? Et donc on doit avertir le musulman, chaque musulman doit l'avertir de cette chose-là, de ne pas abandonner la vérité. Parce que celui qui abandonne la vérité, il sera éprouvé par l'égarement et par le faux. Et s'il abandonne les gens de la vérité, il suivra les gens du mensonge et de la fausseté. Et ça c'est toujours comme ça. Donc on a terminé maintenant avec ce point. Maintenant le cheikh il mentionne le point numéro 32. كفرهم بالحق الذي مع غيرهم ممن لا يهونه. Donc ça c'est المسألة الثانية والثلاثون. Donc le point numéro 32 c'est le fait qu'ils rejettent la vérité qui est avec autre qu'eux-mêmes parmi ceux qu'ils n'aiment pas. Donc ils voient quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Et cette personne elle dit quelque chose de vrai. Et toi, tu ne l'aimes pas, cette personne. Donc, parce que tu ne l'aimes pas, tu rejettes ce qu'il dit, alors que tu sais que c'est vrai. Ça, c'est la voix des gens de la jahiliya. Le cheikh, il dit, كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه. كما قال تعالى, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء, وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Donc, il donne l'exemple. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit il rejette la vérité lorsqu'elle vient de celui qu'il n'aime pas. Comme lorsque Allah il dit dans le Coran, dans Surat 113, dans Surat Al-Baqarah, Allah il dit, et les Juifs ont dit, les chrétiens ne se tiennent sur rien. Et les chrétiens ont dit, les Juifs ne se tiennent sur rien. Hein? C'est-à-dire, ils n'ont rien, ils n'ont pas de la, ils sont pas sur la vérité. Et les Juifs ils disent ça des chrétiens, et les chrétiens disent ça des Juifs. Alors qu'ils lisent le même livre. Hein, se base sur le même livre, hein, surtout les chrétiens qui ont l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc le cheikh dit هذه المسألة من أخطر المسائل وهي كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه أي لا يحبونه فيتركون الحق الذي معه تعصبا لكراهتهم لشخص فيتركون الحق من أجله والواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به لأن الحق ضلة المؤمن أينما وجده أخذه مع صديقه أو مع عدوه لأنه يطلب الحق أما إذا كان يعتبر الأشخاص فقط فهذا دليل فهذا دين أهل الجاهلية الشيخ الزي هذا الإكزام parmi les questions les plus dangereuses des gens de la jahiliya. C'est que, ils rejettent la vérité lorsque elle vient de la part de quelqu'un qu'ils n'aiment pas. C'est-à-dire, quand ils n'aiment pas quelqu'un, et que cette personne-là, elle dit quelque chose de vrai, parce qu'ils n'aiment pas, ils la rejettent. Par fanatisme. Hein? Ils abandonnent la vérité à cause de ça. Et c'est pour ça, yani, subhanallah, combien de fois tu vas dire, faire des choses, et quand tu leur dis, yani, eux, ils savent que c'est la vérité, mais parce que c'est contraire à leurs désirs et leurs passions, et parce que ça vient des musulmans, ils refusent de l'accepter. Ils refusent de le reconnaître alors que c'est la vérité. Hein? On a vu ça plein de fois, yani. Et quand ils vont lire la même parole de la part d'un de leurs penseurs ou d'un de leurs philosophes, ils disent la même chose que les musulmans, ils disent « Ah oui, c'est vrai. » Yani, combien de fois j'ai écouté des émissions chez les koufars, par exemple. Et, par exemple, ils vont inviter un philosophe, un penseur, quelqu'un qu'il respecte, et cette personne va venir pour critiquer la démocratie, ou critiquer certains aspects de la laïcité, ou des choses de ce genre, de leur système, de leur croyance. Et là, ils disent, ah oui, c'est vrai, vous avez raison, et tout. Alors qu'un musulman avait dit la même chose, et un savant de l'islam avait expliqué les mêmes méfaits, les mêmes points négatifs et les mêmes égarements, et eux, ils refusent de l'accepter. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de quelqu'un qui est comme eux. Mais si ça vient de quelqu'un qui est comme eux, ils l'acceptent. C'est comme par exemple ici, il y a plein d'exemples comme ça. Quand quelqu'un va critiquer par exemple la société, que ce soit ici au Canada ou ailleurs, dans un autre pays en Europe, si c'est quelqu'un de leur pays qu'ils considèrent comme étant quelqu'un de souche ou d'origine de leur pays, qui les critique, ils l'acceptent la critique. Ou bien même s'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne vont pas complètement, ils ne vont pas utiliser la même attitude pour la rejeter. Ils ne vont pas insulter, ils ne vont pas dénigrer, ils ne vont pas montrer tant de haine. Mais si c'est quelqu'un qui dit quelque chose de vrai et qui critique avec des vrais arguments et des points argumentés, des arguments rationnels pour montrer certaines défaillances ou certains problèmes dans la société, ils le rejettent malgré qu'ils savent que c'est la vérité, sous prétexte que ça ne vient pas de quelqu'un qui vient de chez eux. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Et il y a plein d'autres exemples comme ça dans la religion également, le cheikh il en donne plusieurs. Donc il dit, le cheikh il dit, ils abandonnent la vérité quand ça ne vient pas de quelqu'un qu'ils aiment, ou quelqu'un qui est avec eux. Il dit, l'obligation pour le musulman, c'est d'accepter qu'est-ce qui est vrai, peu importe de qui elle vient. Parce que la vérité, c'est l'objet perdu du croyant. Peu importe où il la trouve, il la prend. Quand tu as perdu quelque chose et que tu marches dans la rue, tu le retrouves, tu le prends. Hein? Donc, la vérité, c'est comme un objet que tu aurais perdu, toi. Tu es un musulman, tu es un croyant, tu trouves la vérité quelque part, peu importe où tu la trouves. Chez ton allié, chez ton ennemi, tu la prends. Parce que c'est à toi, ça t'appartient. Hein, ça te revient. Ça te revient parce que tu es quelqu'un qui recherche que la vérité, en tant que musulman. Hein, et qui rejette tout ce qui est faux, peu importe de qui ça vient. Que ça vient de ton allié, ou que ça vient de ton ennemi. C'est pas parce que c'est ton ennemi qui dit quelque chose de faux que tu le rejettes. Même si ça vient de quelqu'un qui dit être musulman, ou qui dit être sur la sunna, et qu'il dit quelque chose et que cette chose-là elle est fausse, tu dois la rejeter, même si c'est lui qui l'a dit, qui a dit cette chose, parce que toi, tu t'accroches que à la vérité, peu importe de qui elle vient, et tu rejettes le faux, peu importe de qui la fausseté peut venir. Et c'est ça ce que le cheikh dit, tu acceptes la vérité d'où elle vient, que ce soit avec de ton ami ou de ton ennemi. Parce que tu recherches que la vérité. Et donc, on ne doit pas prendre en considération les individus seulement, mais on doit prendre en considération la vérité en elle-même avant tout. Et de prendre en considération les individus seulement, ça c'est la religion des gens de la Jahiliya. Cheikh il dit, مثال ذلك ما ذكره الله عن اليهود والنصارى وهم أهل كتاب وعلم فاليهود رفضوا الحق الذي مع النصارى والنصارى رفضوا الحق الذي مع اليهود كما قال تعالى عنهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء والذي حملهم على هذا هو الهوى لما كان اليهود يبغضون النصارى جحدوا ما معهم من الحق ولما كان النصارى يبغضون اليهود جحدوا ما معهم من الحق وهم يتلون الكتاب الذي يأمرهم بقبول الحق وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالذين ليس معهم كتاب ساروا على هذا المنهج كل طائفة تكفر الأخرى وتجحد ما معها من الحق لشيخ الزي الإكزامبل de ça, c'est ce que Allah a mentionné dans le Coran à propos des juifs et des chrétiens, et ce sont des gens qui ont un livre et qui ont de la science à la base. Donc les juifs, ils ont refusé la vérité qui est avec les chrétiens, et les chrétiens ont refusé la vérité qui est avec les juifs. comme Allah il le dit dans le verset 113, dans Surat al-Baqarah, les Juifs ont dit les chrétiens se tiennent sur rien, et les chrétiens ont dit les Juifs ne se tiennent sur rien. Et qu'est-ce qui les a amenés à agir ainsi? C'est la passion. C'est la passion, le fanatisme. Lorsque les, étant donné que les Juifs détestent les chrétiens, ils ont nié tout ce qu'ils avaient avec eux, même si c'est la vérité. Et étant donné que les chrétiens détestent les Juifs, ils ont nié tout ce qu'ils avaient avec eux, même si c'était la vérité. Alors qu'ils lisent tous le livre, ils récitent tous le livre, hein, qui leur ordonne d'accepter la vérité. Hein. De même que ceux qui étaient avant eux, ceux qui n'ont pas de science, ceux qui ne connaissent pas, ont dit la même parole qu'eux également. Donc ceux qui n'ont pas reçu de livre, hein, qui n'ont pas reçu une révélation, ils sont sur la même voie que les Juifs et les chrétiens à ce sujet-là. Chaque groupe déclare l'autre groupe mécréant et il nie ce que l'autre possède de la vérité. والحاصل أن الواجب على المسلم تجنب سنة اليهود والنصارى وهي الكفر بالحق إذا كان مع من لا يحبه ولا يحملك بغض الشخص على أن ترفض ما معه من الحق مثل هذا ما هو موجودنا الآن إذا كانت طائفة أو جماعة تبغض أحد العلماء فإنهم يرفضون ما معه من الحق فيحملون بغضهم فيحملهم بغضهم لهذا العالم على أن يرفضوا ما معه من الحق وأن يعتموا عليه ويزهدوا فيه ويحذروا من مؤلفاته ومن أشرطته ولو كانت حقا لماذا؟ لا لشيء إلا لأنهم لا يحبون هذا الشخص الشيخ الزي Donc pour résumer tout ça, on peut dire que l'obligation pour le musulman c'est de s'écarter de la voie des juifs et des chrétiens. C'est-à-dire de s'écarter du fait de rejeter la vérité lorsque ça vient de celui qu'on n'aime pas. Donc ne laisse pas la haine que tu as pour une personne t'amener à rejeter la vérité qui est avec lui. Parce que ça on en retrouve beaucoup d'exemples actuellement. Le cheikh il dit aujourd'hui, s'il y a un groupe qui n'aime pas un tel parmi les ulama, alors il rejette ce qui est avec lui de la vérité. Et donc, ça les amène, leur haine pour ce savant, ou pour ce alim, les amène à rejeter tout ce qu'il a de vérité avec lui. Et donc, ils s'écartent de lui, ils avertissent contre ses livres, contre ses audios, même si c'est la vérité qui est dedans. Pourquoi? Pour rien d'autre que parce qu'ils n'aiment pas cet individu-là. Donc, le cheikh, il dit, parce que ça, c'est des situations qui peuvent se produire parfois, dans le cas où certaines personnes ont une animosité personnelle envers quelqu'un, puis ils mettent en garde contre lui injustement. Donc ils vont avertir contre ses livres, contre ses audios et tout. Et ça, c'est des cas qui peuvent se produire et qui sont déjà peut-être arrivés parfois de la part de certains groupes. Mais quand c'est le cas de quelqu'un ou d'un individu au sujet duquel il y a une mise en garde de la part des savants de l'islam à cause des innovations ou des égarements qu'il a dit ou qu'il a ramené, alors là, dans ce cas-là, c'est justifié et qu'on doit mettre en garde contre ce savant, même si il a des choses qu'il dit qui sont bonnes et qui sont vraies. On rejette pas le vrai de ce qu'il a dit, mais on met en garde contre le mal qu'il a enseigné ou qu'il a propagé pour, et on dit aux gens d'éviter d'écouter ou de suivre cet individu-là, non pas parce que tout ce qu'il dit est faux, mais pour éviter justement que la vérité et le faux soient mélangés et confondus. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et donc, si on demande aux gens, par exemple, qui sont débutants ou qui n'ont que peu de compréhension ou peu de science dans l'islam, de prendre des gens qui ont un mélange de vérité et de faux, hein, dans leurs livres, dans leurs enseignements, ça risquerait par la suite de les faire tomber dans des égarements. Il y en a qui vont entendre ce genre de paroles de la part de Cheikh Al-Fawzan ou d'autres mashaykh. Ils vont essayer d'utiliser ces paroles-là de façon générale pour défendre des gens de bid'ah, pour défendre des gens de bid'ah au sujet desquels les savants ont mis en garde à cause des innovations qu'ils propagent. Et ils vont utiliser ces paroles-là pour dire, ah, regardez, le cheikh, il dit, il doit accepter la vérité de tout le monde. C'est vrai, on doit accepter la vérité de tout le monde. Même si ça vient du shaitan, on doit accepter la vérité. Même si ça vient d'un enfant, on doit accepter la vérité. Hein? Mais quand il est question de se retourner à des individus de qui on va apprendre notre religion, il faut se référer aux gens en qui on a confiance. On a confiance en leur savoir et on a confiance en leur comportement et en leur caractère religieux par rapport à la religion. C'est-à-dire les grands ulama de l'islam. Les grands ulama de l'islam qui sont reconnus pour leur piété et pour leur connaissance. Et c'est vers eux qu'on doit retourner pour apprendre notre religion et pour la comprendre correctement. Et non pas vers des gens qui sont peu connus ou inconnus complètement ou qui sont des gens qui ont peu de compréhension ou peu de connaissances de la religion, qui ont des innovations ou des égarements. D'accord? Et c'est pour ça que si vous allez, par exemple, dans des cours qui sont donnés par des personnes qui enseignent l'islam, et que ces individus-là, ils vous ramènent pas les paroles des grands ulama et des gens qui sont connus et en qui on a confiance parmi les hommes de science, alors il faut faire attention à ces individus-là et il ne faut pas prendre de la science d'eux tant qu'on n'a pas vérifié que les personnes de qui ils prennent leur compréhension et leur connaissance de l'islam sont des gens reconnus et fiables, et des hommes de science qui sont connus. Parce qu'il y a des gens à Montréal qui donnent des cours maintenant pour les convertis et ils ciblent en particulier les convertis pour les amener à leur cours. Mais on ne sait pas du tout quels sont les livres qu'ils utilisent comme référence pour enseigner. Et on ne connaît pas non plus les ulama vers qui ils se retournent pour comprendre leur religion. Et des fois, on réalise, quand on cherche un petit peu, on trouve que ces gens-là se réfèrent à des individus qui ont des problèmes dans leur aqida ou qui ont des problèmes dans leur manhaj et dans leur compréhension de l'islam, qui ne font pas partie des musulmans qui suivent la voie des salafs salih et qui suivent la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'ah. Donc il faut vraiment faire attention à ces gens-là. Donc le cheikh il dit ensuite, والواجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق وإن كان مع من لا تحب ولا تكون العداوات الشخصية والأهواء النفسية مانعة من قبول الحق. Donc le cheikh il dit, parce que le cheikh Al-Fawzan ne parle pas des gens de bid'a, des choses de ce genre, il parle en particulier des gens qui refusent de prendre un individu à cause d'un problème personnel qu'ils ont avec la personne, ou pour des passions, il y en a qu'ils ont dans le cœur. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qui est obligatoire pour toi, ô musulman? C'est d'accepter la vérité, même si elle vient de quelqu'un que tu n'aimes pas. Et ne faites pas que les problèmes personnels que vous avez avec les gens, ou les problèmes ou l'animosité que vous avez, qui viennent des passions de l'âme, hein, vous empêchez d'accepter la vérité. Le cheikh dit, « Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لما جاءه اليهودي وقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله تقولون ما شاء الله وشاء محمد أمر أن يقولوا ما شاء الله وحده ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحق وأمر أصحابه بترك الخطأ. لشيخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم a eu la visite d'un juif. Et le juif lui a dit, vous faites le shirk. Hein? Il a dit, vous les musulmans, vous faites le shirk. Vous dites, Allah a voulu et Muhammad. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dites pas Allah a voulu et Muhammad, mais dites Allah lui seul a voulu. Pour pas qu'il y ait une égalité entre Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que bien entendu, quand il disait Allah a voulu et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ne disaient pas ça en pensant qu'il y a une égalité entre Allah et son messager. Ils disaient ça uniquement dans le sens de faire comprendre que yani, Allah a voulu, et également ils savent que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu telle chose sans penser qu'il y avait une égalité entre les deux. Mais également, mais étant donné que ça peut sous-entendre ou ça peut donner l'impression à quelqu'un qu'on sous-entend une égalité quelconque, ça peut ouvrir la porte au doute, ou même à ceux qui peuvent essayer justement de penser qu'ils peuvent élever le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au niveau d'une divinité comme les chrétiens l'ont fait avec Isa alayhi salam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décidé de fermer la porte complètement à toutes ces choses-là, à toute personne qui vous a exagéré à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'élever au-dessus de son niveau. Alors il a dit, ne dites pas Allah a voulu et Muhammad, dites Allah a voulu lui seul. Et ça c'est la preuve que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a accepté la critique de ce juif, parce qu'il a su que c'était la vérité, et il a ordonné à ses compagnons d'abandonner cette erreur qu'il faisait. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pas dit, ah non c'est un juif qui l'a dit donc je l'accepte pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait la vérité de quiconque elle venait. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, al-haq dallatul mu'min. Dallatul mu'min, ça veut dire c'est un objet perdu pour le croyant. La vérité c'est un objet perdu pour le croyant. Peu importe où il la trouve, elle lui appartient, il la prend. Wa kadhalika alladhi ja'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ja'a an-nabi min al-ahbar al-yahud. Wa qala إن الله يطوي السماوات بيمينه ويحمل الجبال على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لهذا الحبر. وأنزل الله قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلما طابق قول هذا الحبر من اليهود الحق قبله النبي صلى الله عليه وسلم وسر به. الشيخ الزين et de même que le prophète صلى الله عليه وسلم a eu la visite d'un autre rabbin parmi les juifs qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le rabbin a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah va plier dans sa main droite les cieux en entier. Il va en faire une poignée dans sa main droite. Et il va prendre les montagnes et il va les placer sur un de ses doigts. Et il va prendre les terres et il va les mettre sur un de ses doigts. Jusqu'à la fin du hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu cette parole de ce rabbin juif, il a souri. Et il a souri parce qu'il a reconnu que ce que le rabbin disait était véridique. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset 67 dans surat Az-Zumar pour confirmer ce que ce rabbin juif-là disait. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet-là, et ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite, car la terre entière sera une poignée dans sa main avec les cieux au complet au jour de la résurrection. Dans sa main droite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre les cieux et la terre, et il va les fermer dans sa main droite au jour de la résurrection. Qu'ils soient purifiés et exaltés de tout ce que les mushrikoun peuvent lui attribuer ou lui associer. Donc, étant donné que ce que le rabbin juif avait dit était en accord avec la vérité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté, et il a été réjoui de cette nouvelle et de cette information. Et ça, c'est un hadith qui est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, personne ne peut douter de l'authenticité de ce hadith. Il est sahih. Donc, le cheikh, il résume ça en disant, الحاصل أن المسلم يجب عليه أن يقبل الحق ولا تحمله عداوته الشخصية أو وأغراضه النفسية والإشاعات التي تشاع عن بعض أهل الحق لا تحمله هذه الأمور على رفض ما يقوله هذا العالم هذا العالم بل ينتفع به حتى ولو كان هذا العالم غير مستقيم ولو كان ما يقال فيه من الذم والعيب صحيحا من الذم والعيب صحيحا إذا قال كلمة حق وجب أن تقبل لا لأجل هذا الشخص ولكن لأجل الحق وهذا هو الواجب فيجب على طلبة العلم أن ينهجوا هذا المنهج الرباني قبول الحق ممن جاء به الشيخ الزي كل مسلمان ستبلغتهم بوليد أكسبتي لا فيريتي. On doit accepter la vérité, peu importe de qui elle vient. Et on ne doit pas laisser une animosité personnelle ou des intérêts personnels ou des rumeurs qui sont répandues à propos de, ces, de certaines personnes, à propos déjà de la vérité. Tout ça ne doit pas t'amener à rejeter ce que cet individu ou ce savant peut dire de la vérité. Tu dois le prendre et tu dois en profiter. Même si ce savant n'est pas sur la droiture et n'est pas sur le droit chemin, et même si ce qu'on dit de lui comme blâme et comme défaut est véridique et correct, c'est-à-dire qu'on dit des choses sur lui et qu'on le blâme de certaines choses et que c'est vrai, tu dois accepter de lui quand il dit quelque chose qui est vrai, tu dois accepter. Hop! Attends. Pas à cause de cet individu-là lui-même, mais à cause de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu dois pas, parce que ça vient de tel individu, ou de tel cheikh, et tu sais, ou de tel alim, et tu sais que c'est vrai, mais parce que ça vient de lui, tu dis non, c'est pas vrai, je l'accepte pas. Ou bien parce que tu as un problème personnel avec la personne. Là, c'est pas correct. Hein? Ça, c'est par rapport à la chose que tu sais, comme étant vraie. Mais si c'est quelque chose que tu entends de la personne, tu ne sais pas si c'est vrai ou faux, ou tu es dans le doute, là, dans ce cas-là, tu ne l'acceptes pas jusqu'à ce que tu aies vérifié l'information de la part des ulama qui sont sur la vérité, qui sont sur le Coran et la Sunna. Et bien entendu, tu ne te réfères pas aux gens de l'égarement ou aux gens de bid'a comme référence pour apprendre ta religion, tu te réfères aux ulama de la vérité, aux ulama qui sont sur la Sunna et qui suivent le manhaj de la vérité. Et la voie du Coran et de la Sunna et de la compréhension de l'islam selon la compréhension des salaf al-salih. Ça, c'est l'obligation pour chaque musulman. Et des exemples, parmi les exemples que le cheikh il donne, c'est comme l'exemple de celui qui va dire, par exemple, « Ah non, j'accepte pas de toi la vérité parce que toi, tu es un converti. » Et puisque tu es un converti, tu comprends pas l'islam. Alors, j'accepte pas ce que tu dis. Et ça, on l'a entendu, surtout les frères qui sont convertis, ils l'ont entendu de plusieurs parmi les musulmans qui sont nés dans l'islam et parfois qui n'ont jamais étudié rien de la religion musulmane. Hein? Même un verset de Coran, ils n'ont pas mémorisé. C'est quand tu leur expliques quelque chose de la religion que tu as appris dans un livre, que ce soit un livre en arabe ou un livre en français ou un livre en anglais qui a été traduit des paroles des ulama ou des paroles d'Allah et des paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est un livre qui a été bien expliqué et bien clair, et la personne va lui dire ça, le frère qui est converti ou la sœur qui est convertie va mentionner ça à quelqu'un qui est arabophone, qui parle l'arabe, peut-être pas tellement bien, mais qui comprend un peu l'arabe, l'arabe traditionnel, l'arabe de la rue comme on dit. Il connaît pas l'arabe classique, mais connaît un peu l'arabe de la rue. Donc, il pense qu'il connaît mieux l'islam que ce converti ou que cette convertie parce qu'il est né dans l'islam et dans une famille musulmane. Alors que peut-être que ce converti-là, malgré qu'il n'a pas encore étudié l'arabe, il n'a peut-être pas encore appris l'arabe, mais étant donné qu'il se réfère à des livres traduits des paroles des ulama de l'islam, qui sont des livres, qui sont des références et des livres très très bien clarifiés, bien expliqués, ils peuvent avoir certaines connaissances et certaines compréhensions que des gens qui sont nés dans l'islam ne pourront pas atteindre s'ils n'ont pas étudié l'islam correctement. Et donc le fait de dire parce que tu es converti tu comprends pas, ou parce que tu es converti tu connais pas, ça c'est d'avoir une mauvaise compréhension, une erreur, c'est une grave erreur. Et si tu dis ça, c'est en réalité grave en fait, parce que tous les sahaba sont convertis, la majorité d'entre eux. Tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des convertis à l'islam. Ils sont tous nés, la plupart, avant d'être musulmans, ils étaient dans d'autres religions, soit qu'ils étaient chrétiens ou juifs, ou qu'ils adoraient des idoles, ou qu'ils n'avaient pas une religion spécifique, et Allah les a guidés à l'islam. Et parmi les sahaba, il y en a qui étaient très très jeunes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont grandis dans l'islam, ceux-là sont nés musulmans, hein, parce qu'ils sont nés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont pas nés dans, ils n'ont pas connu autre chose que l'islam, mais ceux-là sont une minorité par rapport à la grande majorité de sahaba qui sont convertis à la religion de l'islam. Donc ceux qui parlent par exemple, qui disent ah celui-là c'est un converti, celui-là il a le zèle du converti, hein, il y en a qui essaient même de dénigrer les convertis en disant eux ils ont du zèle, et il y en a qui, comme je disais, qui chassent, ils font la chasse aux convertis pour les attirer, pour les garder dans leur secte ou dans leur cocon, hein, et les garder dans l'ignorance pour qu'ils ne connaissent pas la réalité de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et qu'ils, pour qu'ils ne retournent pas aux ulama de l'islam, hein. Il y a beaucoup de, malheureusement, de gens comme ça qui ne les réfèrent pas aux savants et aux livres des savants et aux ulama de l'islam, mais ils les réfèrent à qui? Ils les réfèrent à eux-mêmes, ou ils les réfèrent à des gens qui ne sont pas des références parce qu'ils ne sont pas des ulama. Et on a vu même dans certains groupes, même ici à Montréal, des jeunes qui sont, des frères qui sont convertis et des sœurs qui sont convertis dans les dans certains cercles à Montréal, et ils considèrent que certains prêcheurs américains ou certains prêcheurs européens ou canadiens ou arabes parfois, qui sont même pas des ulama, ils les considèrent comme des ulama. Ils les élèvent à des degrés ou à des niveaux de ulama, alors qu'ils ne sont que des prêcheurs qui sont spécialisés ou qui ont étudié dans des domaines de sciences de la dunya, qui n'ont même pas étudié les sciences islamiques ou la sharia ou le ilm avec les ulama, ou qui ne dépassent pas le niveau de tullab ilm, mais eux ils les prennent et ils les élèvent comme si au niveau de ulama. Et le terme ulama, c'est pas quelque chose qui s'applique comme ça aussi facilement. Malheureusement pour certains, ils attribuent à quelqu'un le titre de alim avec beaucoup de facilité. Pourtant, comme j'écoutais les paroles d'un cheikh, il parlait du cheikh Al-Rudayyan, un des kibar ulama en Arabie Saoudite. Et le cheikh Al-Rudayyan, il a dit, quand on lui a parlé, il parlait de ce sujet-là, il a dit, quand quelqu'un a atteint le niveau de docteur, hein, il a fait un doctorat en islam, il a dit, ça c'est la première marche parmi les marches de la science, c'est-à-dire les escaliers, hein, ou dans les marches d'une échelle, la première marche, c'est le doctorat. C'est-à-dire quand tu commences, quand tu arrives au doctorat, c'est là que tu commences dans la science. C'est pour dire que aujourd'hui, il y en a, parce qu'ils ont un doctorat en islam, ils s'imaginent que ça y est, maintenant, ils sont des ulama, et qu'ils peuvent donner des fatwas et qu'ils peuvent parler librement de la religion de l'islam. Alors, comme le cheikh Al-Rudayyan, il dit, ça, c'est la première marche dans la science de l'islam. Tu viens de commencer. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as fait un doctorat? Tu as fait une étude ou une recherche pendant 4 ans sur un sujet quelconque dans l'islam. Est-ce que ça fait de quelqu'un un savant de l'islam? Bien sûr que non. Même un non-musulman peut faire un doctorat sur l'islam. Est-ce qu'il va devenir un alim? Non. Donc un alim, c'est plus que ça. Mais étant donné qu'aujourd'hui, comme on est loin des références, on est loin des ulama, on ne peut plus distinguer entre les ulama et les juhal. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on dépasse notre niveau, puis on n'a pas de gêne. Donc c'est grave qu'Allah nous préserve. Et donc comme le cheikh il disait, tu dois accepter la vérité de quiconque elle te vient. Non pas pour cet individu-là, pour lui faire plaisir, ou pour parce que pour lui faire plaisir ou pour le satisfaire lui. Non, c'est pour la vérité elle-même, parce que c'est vrai ce qu'il dit. Et donc ça, c'est qu'est-ce qui est obligatoire. Et c'est obligatoire pour les étudiants de sciences islamiques de prendre cette voie qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'accepter la vérité de quiconque elle est présentée. Même si ça vient d'un converti, même si ça vient de quelqu'un qui est converti, tu te dis, ah mais lui il vient juste de se convertir, il ne va pas m'apprendre l'islam. Je connais mieux que lui. Et puis de toute façon, c'est Allah qui sait qui est-ce qu'il connaît mieux ou qui est-ce qu'il ne connaît pas. Et l'important, c'est qu'on se retourne et qu'on se réfère aux ulama. Il n'y a personne qui est né avec la science infuse. Il n'y a pas un enfant qui est né avec la science. إنما العلم بالتعلم. En fait, صلى الله عليه وسلم a dit, العلم, la science, elle vient avec l'étude et l'apprentissage. Tu ne peux pas avoir de ilm si tu n'as pas étudié. Et alhamdulillah, cette religion, elle se prend des ulama. Elle se prend des ulama, on la prend des ulama directement. D'aller étudier directement avec eux. Et d'apprendre la religion avec les ulama. D'accord? Puis ensuite, avec l'aide des livres et des cours qui ont été enregistrés et d'autres choses. On prend les moyens qu'on a dans l'endroit ou dans le contexte dans lequel on est. C'était à la Mecque, c'était à Médine, c'était dans les pays musulmans où il y a des ulama, je te dis, va étudier l'islam avec les ulama. Si tu es dans un autre contexte, dans une autre société où il n'y a pas de ulama, alors je te dis, prends le moyen que tu as pour prendre ta science des ulama, soit par les cassettes, soit par les audios, soit par les livres, ou avec quelqu'un que tu connais, qui peut te traduire les paroles des ulama, ou qui peut t'aider à comprendre les paroles des ulama. Tout ça, c'est des moyens que tu dois prendre selon le contexte, selon la possibilité que tu as dans ton entourage, dans ton environnement. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah, il ne met pas sur quelqu'un, sur une âme, un poids qu'elle ne peut pas porter. Le frère, il a donné un exemple. Il a dit, c'est comme par exemple, il y avait deux convertis qui discutaient ensemble. Puis il y en a un qui était converti depuis un certain nombre d'années, tandis que l'autre, il venait de se convertir. Et celui qui venait de se convertir a réfuté ou a, disons, rejeté une parole de quelqu'un que celui qui était plus ancien avait suivi ou avait mentionné. Donc, il lui a dit, celui qui était plus ancien a dit au nouveau qui était converti et qui avait réfuté cette parole, il a dit, mais toi, tu peux pas. En voulant dire, toi, moi, je suis plus ancien que toi dans l'islam, donc je connais mieux. Donc, cette histoire de ne pas accepter de quelqu'un parce qu'il est converti, ça se passe même parfois entre les convertis eux-mêmes. Quelqu'un qui est converti de plus anciennement avec quelqu'un qui vient de se convertir, parfois, on retrouve des choses comme ça. Et moi, ça m'est même arrivé déjà. Quand j'étais à Médine, j'ai rencontré un frère, subhanallah, et moi à cette époque-là, ça faisait quand même plusieurs années que j'étais converti à l'islam, j'ai rencontré un frère américain, wa alaykum salam wa rahmatullah, et ce frère américain, il venait de se convertir, ça faisait même pas 2-3 ans, subhanallah, mais c'est incroyable, comment il avait beaucoup d'ilm, ce jeune frère, je dis subhanallah, en 3 ans, il connaissait des choses et des sujets que moi-même j'avais jamais appris et dont j'avais jamais entendu parler. Et lui, il les connaissait, ces sujets-là. Alaykoum salam wa rahmatullah. Le hasard, barakallahu fik. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait étonné. Puis je me disais, subhanallah, comment ça se fait que lui, il vient d'être converti, il connaît plus que moi certaines choses que moi j'ai jamais appris. Et ça veut dire, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ. C'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Peut-être que toi, ça fait 20 ans que tu es converti, quelqu'un il vient de se convertir, ça fait 2-3 ans, il connaît des choses que toi, tu n'as jamais appris. Ce n'est pas la quantité de temps qui fait que tu connais plus ou moins. C'est Allah qui donne ces choses-là à qui il veut. Wallahu zul fadlil azim. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et puis, on va continuer ça la semaine prochaine. Hier, on n'a pas donné de dars parce qu'on avait fait la fête du mariage, hein, le walima. Et donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Pour le cours d'hier, peut-être on trouvera un autre jour pour le faire, inshallah. Hein? Donc, barakallahu fikum.